à face. Nous chantons face à face. Nous jouons face à face. Mais pas à pile ou face. Face à face. Nous chantons face à face. Nous chantons face à face. Pour laisser une trace. Face au temps qui efface. Une chanson pour la paix, une autre pour déconner. Parler de la liberté ou de l'éternité. Ne pas se prendre au sérieux. Se contenter d'être deux. Des chansons à rêver ou des chansons d'amour. Parler du temps qui passe et du ciel étoilé. Une chanson pour faire la cour aux doux yeux de mon aimé. Face à face, nous chantons face à face. Nous jouons face à face, mais pas à pile ou face. Si on chante en égoïste, on se fait plaisir avant tout. Solennel ou intimiste, c'est une question de goût. Face à face, face à face. Nous chantons face nous à face. Nous chantons face à face. Pour laisser une trace. Face au temps qui efface. Une chanson pour dire non au rythme des saisons. Faire la route à l'envers, un pied de nez à l'hiver. Laisser la musique nous conduire au pays des larmes et des rires. Chanson parfois ratée ou volée à des potes. Quand la musique est bonne, on emprunte les notes. Ces mots ne sont pas de nous, mais nous, on n'est pas jaloux. Face à face, nous chantons face à face. Nous jouons face à face, mais pas à pile ou face. Face à face, nous chantons face à face.